Bonsoir et bienvenue à tous pour cette nouvelle émission de Associativement Vôtre. Ce soir, nous allons aborder un sujet important en faisant le focus sur le phénomène du 20e et du 21e siècle, nos déchets. Nous avons ce soir avec nous Loki Mort en nous dévoilant une histoire à dormir debout avec un lit vertical. L'histoire d'une décharge clandestine d'un bien connu producteur d'eau. Je vous laisserai découvrir. Ensuite, nous aurons l'association Vosges Alternative au nucléaire avec un sujet bien d'époque, les déchets nucléaires. Eh bien oui, on nous parle de voitures électriques, de domotique, de... Enfin bref, de beaucoup de choses qui consomment et les déchets. Pour la partie musicale, nous avons une personne toute particulière ce soir, Pierre Feutet, qui va nous interpréter trois chansons magnifiques. Voilà. Et puis, viendra le temps de découvrir les textes qui ont été écrits par Sylvie, par Vincent. Et puis, nous terminerons par notre incontournable tour de table pour que chacun puisse dire ce qu'il pense du sujet de ce soir. Du focus qu'on aura fait sur les déchets, nos déchets, et chacun pourra s'exprimer à ce moment-là. Je vous souhaite donc bonne soirée à tous, et pour commencer, on va laisser la place à un petit peu de musique. Vous interprétez une chanson de Jean-Michel Caradec, que certains peut-être connaissent, qui a eu une carrière assez courte. Et cette chanson s'appelle « Berceuse ». Qu'elle plonge sa main dans mes châteaux de sable, et mes châteaux de sable sont sans lendemain. Qu'elle tourne ses yeux de nuit vers les étoiles, la nuit c'est son étoile qui brille dans mes yeux. Elle rêve de chevaux bleus, et de cathédrale dans la mer, de soleil rouges en hiver. Et je sais qu'elle danse avec les papillons de nuit et qu'il l'emmène au pays où l'on ne pleure jamais. Elle écoute passer les mouches et les secondes, en découvrant le monde elle s'inquiète un peu. Elle a sur ses navires plein de bagues anciennes que des femmes païennes vendent en souvenir. Elle a des chiens dressés qui gardent ses poupées. Quand elle dort, son papa est le plus fort. Et je sais qu'elle danse avec les papillons de nuit qui l'emmènent au pays où l'on ne pleure jamais. Bravo ! Alors maintenant, nous allons demander à Bernard et René-Lise de s'approcher et de venir nous expliquer un peu cette histoire. Alors, René-Lise, oui, c'est quoi cette histoire de déchets, une décharge? Alors moi, je commence par là. Hein. C'est, quand vous m'avez dit ça, ça m'a fait 15 mètres de haut. L'historique, s'il vous plaît. Oui. Comment vous l'avez trouvé? De quand date-t-elle? On veut tout savoir. En fait, donc nous sommes à Vittel. Hein. On est sur la lutte de l'eau contre le pillage de l'eau par Nestlé. Et les décharges plastiques, c'est quelque chose dont on entendait parler depuis des années. Des années. On savait que ça existait, mais on ne savait pas où elles étaient. Et les gens n'en parlaient pas, n'osaient pas en parler, que de manière comme ça, très énigmatique. Et un jour, que nous avions découvert, grâce à un lanceur d'alerte, une décharge BTP, enfin le BTP, c'est pas le plastique, c'est bien, mais c'était pas le plastique, une dame, une prof d'anglais à la retraite, vient nous voir et dit « Ah ah, vous avez trouvé une décharge de BTP, mais moi j'ai mieux, j'ai une décharge plastique ». Yes, yes, une décharge plastique, nous l'avons trouvée, hein. C'était il y a un an. Enfin, quelqu'un va nous montrer une décharge plastique et cette dame nous amène sur une décharge. Un truc, franchement, on en aurait sauté de joie si on n'avait pas été complètement effondré devant cette montagne, je ne sais pas, de 10, 12 mètres de haut, de 100 mètres de long, de combien, 4, 5, 10 mètres de profondeur. De 30 mètres de large. 30 mètres de large, de profondeur, tu veux dire ? Et une fosse. Voilà, on ne savait pas tout de suite qu'il y avait une fosse. Mais donc, un truc qui ressemblait à une colline recouverte de végétation, de type forestière. Et cette colline, elle longeait une route, la route qui va très exactement de Vittel à Tess-sous-Montfort, qui est un tout petit village près de Vittel, à 5 km. Et voilà, et donc cette colline était là. Nous nous approchons de la colline et tout à coup, on voit sous nos yeux un empilement de bouteilles plastiques qui émergeaient comme ça de la terre, qui sortaient de la terre. Bon, et donc on a regardé ça, on était très intrigués, on a avancé, on a marché sur cette colline. Ça faisait scrotch, scrotch, scrotch, on aurait dit qu'on marchait sur des paquets de chips, quoi. C'était une sensation très étrange et donc en réalité, on se trouvait sur une colline qui était constituée de déchets plastiques, exclusivement de déchets plastiques, qui étaient empilés là depuis, en réalité, une cinquantaine d'années. Une cinquantaine d'années. Alors, on a fait le tour de la colline, on n'en revenait pas de voir un truc pareil. Et donc, ces déchets empilés là depuis 50 ans, on s'est rendu compte, après, hein, en essayant, en enquêtant un petit peu, en investiguant le sujet, qu'en réalité, il y avait cette montagne énorme qui était visible, qui était, comment on dit, à l'air libre. Mais on nous a expliqué qu'en réalité, en profondeur, il devait y avoir un volume à peu près équivalent. Parce que au moment où cette décharge a été constituée, eh bien, l'embouteillage de Vittel, puisque c'est l'embouteillage de Vittel qui a créé cette décharge industrielle, au moment où ils sont passés du verre au plastique, ils testaient la fabrication de plastique et ils avaient plein d'échecs. Donc ces échecs de bouteilles, de purges, de machines, etc., ils s'en sont débarrassés en les mettant dans des décharges comme celle-ci. Donc là, en bordure de route, ils sont allés sur un terrain qui appartenait à l'époque au propriétaire de l'usine. Hein. Ils ont creusé un trou, ils ont rempli le trou de bouteilles. Ils ont foutu le feu là-dedans. Donc, il paraît que ça brûlait. Pendant des jours et des jours, ils essayaient d'incinérer les déchets plastiques. Mais il y avait des blocs tellement énormes de plastique, tellement durs que ça ne brûlait pas. Donc, ils ont, voilà, comme ça, rempli cette décharge, rempli. Sur combien d'années ça s'est fait exactement, on ne sait pas. 10 à 15 ans. Voilà, donc ils ont rempli cette fosse et ensuite ils ont encore continué à empiler au-dessus sur donc 10 mètres de haut, 100 mètres de long. Et puis ils ont aussi apporté des déchets de BTP, nous a-t-on expliqué, parce qu'on voyait des déchets de BTP là-dedans aussi. Donc des déchets de BTP pour consolider les bords de la fosse. Et après ils ont terminé par une couverture de terre. Une BTP. Bâtiment des déchets de bâtiments et travaux publics. C'est important parce que... Voilà, excuse-moi, oui, les acronymes... Du béton, des morceaux, des blocs de construction, etc. Voilà, donc ils ont rempli leur fosse, ils ont comblé au-dessus et in fine, ils ont recouvert tout ça d'une couche de terre, hein, sans doute la terre qu'ils avaient sortie pour creuser la fosse. Donc ils ont recouvert tout ça de terre. C'est quand même une manière de planquer les choses, hein, de planquer les choses. Voilà. Et donc ça, ça a été fait dans les années 60, fin de la décennie 70, 60, décennie 70. Hein, donc pendant 10 ans, ils ont fabriqué ce truc-là et ils ont fini par cacher cette décharge qui est illégale. Hein, qui est illégale. Et le fait est, c'est qu'en l'ayant cachée, et avec l'ambiance de d'omerta qui règne à Vittel, personne n'a rien dit. Et cette décharge, presque tout le monde l'avait oubliée. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est d'entendre Bernard qui nous raconte un petit peu les déboires qu'il a eus parce qu'il était un vilain garçon. Hein. Il a été en prélevé. Alors, j'aimerais bien quand même avoir... Ça, c'est une autre... C'est intéressant ça quand même de voir comment ça s'est passé. Voilà, oui. Alors on a un peu construit tout ça quand même, hein. Et disposant d'une décharge à notre main, et on nous en avait signalé une autre par le biais d'un agriculteur qui avait déjà montré une décharge un peu similaire, peut-être plus petite, en 2014 à France 5. On avait connecté avec cet agriculteur, et donc quand les journalistes sont arrivés pour faire le film d'Arte, on les a conduits vers ces deux décharges de plastique. D'accord. Et il se trouve qu'il y en a une qui était fermée. Pas tout à fait fermée. Enfin, il y avait des barbelés, puis il y avait une porte, mais sans cadenas. Donc, une porte sans cadenas, c'est une porte ouverte. On s'est permis de rentrer. Bon, certes, on avait une pelle mécanique avec nous qu'il avait fallu louer. Hein, et on a fait des trous. Je ne sais pas conduire, mais c'était moi qui conduisais sans doute. Et... on a fait des trous qui ont été filmés par les caméras du film d'Arte que vous avez peut-être vu pour certaines et certains d'entre vous. Mais il se trouve que ce jour où on a filmé, enfin on a filmé deux fois, Nestlé a déposé plainte pour effraction en réunion avec dégradation. Donc j'avoue qu'on est rentré sur un terrain privé, on ne s'en rendait pas trop compte. Quant à la dégradation... c'est comique, hein. C'est comique, les gens qui pourrissent le terrain, qui le dégradent complètement. C'est plutôt comique. Et puis c'est toi, en prenant un petit peu, voilà. Qui a dégradé. Donc quelques mois plus tard, à la fin du mois d'août, on a été deux à être convoqués, un agriculteur du coin, dont le nom traîne partout, donc je vais le dire quand même, hein, parce qu'il y a une pétition en sa faveur, c'est Didier Touvenin. Et puis moi-même, peut-être j'étais là, je ne me souviens plus bien, mais donc voilà, oui, effectivement. Donc vous voyez, les pollueurs, ils ne sont pas ennuyés, mais les gens qui lancent l'alerte sur la pollution sont ennuyés. Oui, ouais, c'est quand même assez spectaculaire. Et au point de vue, René Lys, tu peux peut-être nous expliquer ça, au point de vue juridique, qu'est-ce que vous êtes en ce moment, sur quel chemin par rapport à ça? C'est peut-être Bernard qui arrivera le mieux à expliquer ça. Je voulais juste dire un petit point de détail. Bernard a abordé le fait que, donc vous avez compris qu'il y a deux décharges en fait qu'on a découvertes. Il y en a une, la colline là, qui est à ciel ouvert. Et puis il y a l'autre sur laquelle on est allé avec la pelleteuse, qui est une décharge totalement enfouie. Le point commun entre ces deux décharges, c'est que l'une et l'autre avaient déjà été signalées par les lanceurs d'alerte, la prof d'anglais pour la décharge à découvert, le Didier pour la décharge enfouie, il y a plus de 10 ans, en 2014, hein, il y a 10 ans en 2014, et Christiane et Didier avaient découvert chacun leur décharge, chacun de leur côté, ils étaient allés signaler à la mairie de Vittel ou à Agrivert, la filiale de Nestlé, que là il y avait des débris plastiques, et que c'était quand même un peu dégueulasse, qu'il fallait faire quelque chose, il fallait les enlever. Hein. Et en 2014, Agrivert, qui est une filiale de Nestlé, chargée de la gestion des terrains, hein, avait dit « Wow, oui, ne vous inquiétez pas, pas de souci, on a bien reçu votre alerte, nous allons nous en occuper, nous allons tout nettoyer, vous inquiétez pas, vous occupez plus de rien, on s'occupe de tout. » Et les mecs, ils ont rebouché les trous, ils ont dû remettre une petite couche de terre, bon, je veux dire, rien n'est sorti, quoi. Ils ont enterré l'affaire, ils ont enterré les déchets une deuxième fois. Et donc, ça n'est qu'en 2021, quand ces lanceurs d'alerte sont revenus voir le collectif en disant « Ah ben, il y a un collectif, alors voilà, on va vous dire, il y a ces décharges-là qu'on a déjà signalé il y a 10 ans, rien n'a été fait, alors allez-y. » Bon, mais donc, je veux dire, très hypocritement, quand Nestlé et Agrivert ont été interrogés, et les élus, sur ces décharges, par la commission d'enquête parlementaire, dont on a parlé l'autre fois, hein, qui est venue. Les mecs, ils étaient là, ils disaient « Ah non, nous, on n'est pas au courant. C'est quoi ces décharges, là ?» Non, non, ben vous n'êtes pas au courant que ça existe. Oh non, oh, on a, ah oui, on a bien vu un article de presse ou deux il y a 10 ans là-dessus, mais oh non, on n'est pas au courant, c'est pas... Mensonge, mensonge. Ils savent parfaitement que c'est là, c'est eux qui ont constitué ces décharges sur des parcelles leur appartenant, qui sont spécialement cadastrées, donc ils ont menti, sciemment. Hein, et aujourd'hui, voilà. Alors sur le plan judiciaire, pour aller au judiciaire, je fais un tout petit détour, hein, c'est une bonne guerre. Libération, fin mai 2021, a fait un petit article sur les fameuses deux décharges qui avaient été filmées. Et puis, comme tout ça, c'est des gens bien, ils ont prévenu Nestlé avant qu'ils allaient faire un article. Et Nestlé a pu faire un communiqué de presse quelques heures avant. Et donc, quelques heures avant, Nestlé a dit « collectif se plante complètement, il n'y a pas de décharge, il y en a 9 ». Intéressant. Alors, 9 déclarés par Nestlé avec du plastique. Pas que du plastique, mais avec du plastique. Et puis, plus récemment, on parle d'une quinzaine de décharges. Bon, alors, nous, on ne va pas enquêter. C'est au service de l'État, en principe, d'enquêter. Sur le plan juridique, on s'est renseigné. On a des avocats, des gens très sérieux, etc., qui nous disent, il y a 30 ans, ça fait 30 ans, c'est prescrit, et c'est sur un terrain privé. On ne peut rien faire. On ne peut pas porter plainte sur le plan judiciaire. Bon. Nous, on prend acte. Alors, malgré tout, on a tiré toutes les sonnettes sur lesquelles on peut tirer. C'est intéressant parce qu'on découvre là tous ceux qui s'intéressent à l'environnement. C'est-à-dire, il y en a tellement que je pense qu'il n'y a personne qui s'intéresse réellement à l'environnement. En plus grande proximité, il y a la direction des territoires. Direction des territoires, c'est la préfecture. Mais il faut savoir qu'au niveau de la préfecture elle-même, il y a une direction, un bureau de l'environnement. Mais il y a un service spécialisé, direction des territoires, qui s'occupe de tout, de la chasse, de l'agriculture, de la méthanisation, et puis au passage, éventuellement, des décharges. Ils s'occupent de tout et de rien, quoi. Bah, oui, puis je pense qu'en plus, c'est des structures d'État qui sont sous le régime sec de toutes les politiques de révision quoi. Générale des politiques publiques, etc. Donc ils ont de moins en moins de personnel. Hein. C'est comme l'hôpital, enfin, service public, quoi. D'accord. Et donc ça, c'est la direction des territoires. Après, il y a en proximité aussi, départemental, l'OFB. Vous savez ce que c'est ? Vas-y, vas-y. L'Office français de la biodiversité. Donc ça, ça dépend. C'est très proche de l'Agence de l'eau, depuis Macron. Et puis ça dépend de la direction de l'eau au ministère de la Transition écologique. Ces services-là résultent de la fusion. Quand vous entendez fusion, c'est qu'on dégraisse. Hein. La fusion de la police de l'eau et de l'ONCSF, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'occupaient bien de la chasse. On leur demande de s'occuper de l'eau. Puis il y a des gens qui s'occupaient bien de l'eau. On leur demande aussi de s'occuper de la chasse. On dégraisse le mammouth. Donc plus personne n'a vraiment les compétences avérées. Mais ils sont compétents. Ils peuvent recevoir des plaintes, etc. Donc cette deuxième structure qui est départementale. Ils sont en train de tout concentrer sur Épinal. Comme ça, on est sûr qu'ils n'iront pas se balader dans les campagnes, là où il y a des décharges, justement. Mmh. Voilà. Ça, c'est pour les deux structures départementales. Après, il y a la DREAL. Alors, c'est issu des restructurations de l'État, et vous allez voir, le sigle est intéressant, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est vraiment le truc fourre-tout, on ne savait pas où le mettre, on met là, hein, et ça dépend d'une grosse structure régionale. Aujourd'hui, c'est l'ADREAL Grand Est, avec des antennes départementales et des liens forts avec les préfectures. Donc, on a rencontré les gens de la DTT, on a rencontré les gens de l'ADREAL, qui nous ont dit « Oui, on est en négociation avec Nestlé, c'est compliqué, c'est quand même des volumes énormes. Et est-ce qu'on fera pas plus de mal en déterrant les décharges qu'en les laissant telles qu'elles sont dans le sol ? Parce que malgré tout, la vie a repris à travers ce plastique. » C'est réel, ce discours-là. Hein. Et puis, vous avez de façon plus récente, puis j'en parlerai pas, parce qu'il y aura peut-être des surprises de ce côté-là, un pôle de la gendarmerie nationale spécialisé dans l'environnement qui est basé à Metz. Voilà. Et qui, visiblement, s'intéresse au sujet, tant mieux. Mais vous voyez, tout le monde s'en occupe, et puis à chaque fois, on nous renvoie d'un bureau à l'autre. Alors, malgré tout, puis j'arrête, mais on a réussi à avoir quelques éléments de volumétrie, notamment de la décharge qui est pas très loin de chez nous, finalement, c'est presque au bout du golfe dans la forêt. Hein, et il y a 43 000 m3 de plastique. C'est pour donner une idée de ces 100 mètres de longueur, 10-15 mètres de haut, etc. Oui, parce que si on s'imagine, on fait une métaphore, en quelque sorte, quand je vais à Épinal, je vois un bâtiment qui fait 100 mètres de long. 100 mètres, ça fait de la distance. Je suis à 100 mètres de chez mon voisin, donc j'imagine, toc, toc, 15 mètres, 10 mètres, allez, 10 mètres, ça veut dire quoi? Déjà, 6 sous-sols, hein, parce que s'il y a 10 mètres en dessous, ça fait 5, hein, 5 fois 2, 10, ouais. 5, et puis 5 étages, ouais, 4, allez, on va dire 4 étages, parce qu'on fait à 2,20 mètres maintenant, on ne fait plus à 2 mètres. Donc, c'est quand même impressionnant. Hein. Voilà, donc on demande bien entendu à tous ces services de nous fournir des éléments de mesure, puisque vous savez que c'est du PVC qui est enfoui là, c'est pas du PET, comme aujourd'hui les bouteilles en plastique sont faites. Tout ça, ça contient des saloperies, des perturbateurs endocriniens. On a fait brûler ça pendant des années aussi, avec des dégagements toxiques, et on sait que le PVC va mettre, le PET aussi, va mettre 400 ans globalement pour se dissoudre en microplastique dans la flotte. Donc je veux bien entendre que l'enlever ça va faire du mal, mais le laisser dans les 400 ans qui viennent, ça va méchamment faire du mal, et notamment à l'eau, tout ce plastique va s'infiltrer, et ça c'est à 5 mètres au-dessus des nappes départ. Je vous dis ça en passant. Donc ils en ont rien à foutre. Oui, pour parler d'une chose relativement jolie et joyeuse et disons artistique, vous avez fait une super soirée à Épinal, c'est juste, aidez-moi si à Golbey, oui, oui. À Golbey, voilà, pour présenter le film d'Arte, et puis vous aviez notre bonne Mathilde Panot, qui est venue, voilà, et puis il y avait aussi, oui, il y a Fred, il y avait Fred. Oui, alors Fred, Frédéric Durand de Fraise. Non. Si, c'est comme de ça. Son... Sur oui, oui, mais sur oui, mais c'est sur son nom, c'est écrit de Fraise. Hein, voilà, lui dit Fraise. Donc Frédéric nous a fait l'incroyable surprise de débarquer cette soirée-là avec une gigantesque sculpture, parce qu'il était venu nous voir à Vittel en disant. Très bien, faire quelque chose, une sculpture en protestation, quoi, finalement, contre cette déchetterie immonde. Donc, amenez-moi la déchetterie. On l'avait emmené, il avait des sacs, je sais pas quoi. On l'a laissé, hein, il a emmené, je sais pas quoi, une paire de déchets. Et donc, le soir à Golbey, tout d'un coup, on voit débarquer Frédéric, il ne nous avait pas prévenu, hein. On savait qu'il devait faire une sculpture, mais on ne savait pas du tout où ça en était. Et hop, il a monté son installation. C'était assez formidable, ouais. Quoi. Donc, c'est la première sculpture comme ça qu'on a eue, finalement, la sculpture de lutte, quoi. C'est une forme d'expression de lutte. C'est la première fois qu'on a voilà, une sculpture de cette taille-là. On est allé après à une manifestation sur la financiarisation de l'eau, où un autre sculpteur a fait une sculpture avec des bacides et tout ça. Et on se disait, ça serait quand même génial... un jour, quand il y aura une manifestation sur le thème de l'eau avec des luttes transversales, qu'on retrouve toutes ces sculptures-là, ouais. Ensemble. Hein, et je crois qu'on avait évoqué aussi la question avec Frédéric de, oui. Peut-être faire un jour une exposition avec ces artistes-là, s'ils veulent bien. Alors, amener leurs œuvres. Ouais. Il y a des gens, il y a des artistes qui ont fait des photos aussi, semble-t-il. J'ai eu Frédéric très téléphone impressionnant. Aujourd'hui, oui. Qui, lui, a un petit problème de voiture. Donc, oui, non, mais il doit la remonter dans l'après-midi. Enfin, bref, c'était compliqué. Il devait résoudre son problème. Donc, il ne pouvait pas venir. Non. Alors, par contre, qui m'a dit, alors moi, ce que j'aurais dit, donc je lui ai dit, mais attends, là, mais je peux dire pour toi, peut-être, c'est qu'il faut parler de Nemo. Alors là, il m'a raconté un truc assez hallucinant. Nemo. On va sortir un peu de Vittel et des bouteilles de plastique, mais apparemment... Tous les satellites qui n'ont plus de carburant, qui ne peuvent plus tourner, qui font amerrir en fait sur Terre, ils les font amerrir dans une place qui s'appelle Nemo, dans l'océan Pacifique. Et il paraît que sous l'eau, il y a une déchetterie d'affaires qui nous tombe du ciel, c'est le cas de dire. Quelque chose de phénoménal. Et il y a aussi dans l'océan Pacifique, en fait, il y a des tourbillons qui ont créé une espèce de planète plastique qui est aussi grande que l'Europe. Hein, le septième continent. Oui. Ça, faut le dire aussi, parce que je trouve un immeuble de 10 mètres de haut, un continent comme l'Europe, non, de bleu. Moi, déjà, quand je dois aller de l'autre côté de la France, c'est loin, mais alors là, oui. J'imagine même pas le continent, quoi. C'est énorme. Et ça, je trouve vraiment intéressant. Donc voilà, j'ai juste dit pour Fred. Alors, ces images de... Ouais, c'est dommage qu'il ne soit pas là, Fred, ce soir, mais bon. Voilà, j'espère qu'on l'aura... Ouais, il a beaucoup regretté, oui. Ouais, qu'on le verra prochainement. Oui. Donc, salut à Fred. Ouais. Voilà. Ouais, ces images du 5e, du 7e continent plastique, on les avait en tête, hein, parce que nous, depuis qu'on suit Nestlé, qui est quand même champion du monde de la pollution plastique, paraît qu'ils ont cédé leur première place. Enfin, bon, ils sont quand même toujours dans les premières. Donc, depuis qu'on suit Nestlé, on a ces images-là, on est abondé par ces images de continents plastiques. Et quand on a vu les décharges là, terrestres, sincèrement, on a été choqués parce qu'on n'avait aucune image de pollution terrestre en tête. On n'en avait jamais vu. Non, de pollution terrestre plastique. Non, parce qu'on voit une bouteille, une bouteille. Tu vois, donc on voit les images de rivières polluées, on voit les images de l'océan pollué par le plastique. Mais des images comme celles qu'on a vues, là, de la pelleteuse qui sort des déchets. C'était un trou que de 4 mètres sur 4. Tu vois, mais c'est quand même incroyable de se dire que tu as des trucs monstrueux qui sont là, dans la terre. On marche dessus, Vittel a une zone labellisée bio, hein, si ça se peut. Il y a des éleveurs dessus qui sont labellisés bio pour leur viande d'élevage. Depuis 3 ans. Ouais. Voilà, ils sont labellisés bio par Agrivert. Hein. Leurs bêtes, elles, ouais. Elles pâturent peut-être sur des décharges plastiques. Quoi. Hein, oui. Par rapport à la plainte que Nestlé, enfin quand ils vous ont accusé de c'est une plainte contre X. Dégradation. Il n'y a pas eu de suite. Ah, si, elle est en cours. C'est en cours. C'est une plainte contre X, donc c'est la gendarmerie qui, avec son enquête, a convoqué deux personnes. Ah, on était 10. Hein. Ah oui, ok. Et la deuxième, juste encore une question, quand j'entends que tous ces décharges, de vider ça. Et après, c'est quoi la solution? On ne sait pas, mais à la limite, on s'en fout, c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. Oui, tu vois, je veux dire. Ils vont aller polluer ailleurs. Ben oui, parce que s'ils déplacent le problème, c'est juste techniquement comment de nos jours, on résout de faire disparaître autant écoute, de. Écoute, une boîte comme. Non, mais. Une boîte comme Nestlé nous fait la leçon depuis des années. Sur le tri, le recyclage, la réintégration du plastique recyclé dans les nouveaux emballages, etc. Une boîte comme ça nous culpabilise, nous, individuellement, en nous disant le tri n'est pas bien fait, la collecte n'est pas suffisante. Nous, le recyclage, on sait faire. Hein, mais s'il n'y a pas un bon recyclage sur la planète, s'il continue à y avoir de la pollution, c'est parce que toi, tu tries mal. Tu collectes pas assez, etc. Hein, le conseil départemental des Vosges, à chaque saison, il nous rebalance une campagne sur l'éco-citoyenneté en pointant du doigt les mecs qui balancent par leur fenêtre de voiture une bouteille de Vittel en plastique. C'est pas bien de balancer ça par la fenêtre, mais je veux dire, là, ils ont des décharges monstrueuses qu'ils ont faites en toute conscience, parce qu'on a retrouvé des écrits de la mode Boulounier dans les années 68, les écologistes allemands déjà alertaient sur le risque de pollution plastique. Et Boulounier écrit dans ces trucs, oui, je sais, bon, mais enfin, ça coûte cher quand même, le tri, la collecte, on n'y arrivera jamais, donc on s'en fout. On prend des déchets, on les enfouit. Oui. Donc maintenant qu'ils se débrouillent, et Nestlé, en plus, prétend qu'il va tout dégager. Il l'a dit, il l'a annoncé. Il a dit, mais oui, on va tout enlever. On va tout enlever et on sait assurer les services des plus grands experts, c'est Veolia. Une filiale de Veolia qui est spécialement mise là-dessus par Nestlé. Déjà, ce n'est pas normal quand même. C'est tellement mélangé. Moi, j'ai entendu dernièrement sur le net qu'il y avait une usine en Irlande qui, avec le plastique, refait du diesel. Alors, je ne dis pas que c'est la panacée, mais ce serait bien parce que même des décharges comme Vittel, ce serait mieux qu'ils utilisent à faire du diesel tant qu'à faire, hein, pour le commun des mortels, parce que les grosses consommations, CO2 et tout, c'est plutôt les légumes qui viennent de l'autre bout de la terre. Mais il faut déjà arrêter d'en produire. C'est les mêmes sujets. On va parler des déchets nucléaires tout à l'heure. Les déchets nucléaires, on continue à produire, on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas comment les recycler. Ces déchets, la plastique, on ne sait pas comment les recycler. Ben, écoute, ce n'est pas grave, ça empêche qu'il faut les... Ouais. Moi, je dis que le recyclage, c'est un alibi. Ouais. Il ne faut pas recycler, il faut arrêter. Il faut arrêter d'en produire, absolument. Une petite question. Ça donne quoi, du plastique recyclé? Du nouveau plastique. Du plastique. Et ça ne se recycle que deux fois. Et on marche là-dedans, ouais. C'est insensé. Ouais, on va continuer à se boire ou à bouffer des microparticules de plastique. C'est un vaste, vaste, vaste sujet. Plastique du XXe siècle. XXe siècle, un héritage du XXe siècle. Et là, ce qui est quand même d'une hypocrisie monstre, je trouve, c'est le discours de Nestlé, mais c'est aussi le discours des autorités qui disent, bon, on sent bien qu'ils sont embêtés et qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de cette décharge et qu'ils vont la classer, hein, tout bonnement. Ils vont la classer, ils vont peut-être mettre un petit périmètre de grillage autour avec une pancarte décharge en surveillance. Donc c'est ça qu'ils disent. Ils disent, on va surveiller. Ne vous inquiétez pas, nous allons surveiller. Nous allons mesurer, Nestlé dit, on va mesurer. Alors, tu vas sur place, sur la décharge, tu as des plaques en béton, tu soulèves, tu vois quelques tuyaux, il faudrait pouvoir tirer dessus pour montrer que ça, peut-être ça trempe dans rien. Hein, on ne va pas dégrader. On ne sait pas, on ne va pas dégrader. Mais je veux dire, donc, ils font semblant de faire des mesures, tout en disant que ces mesures ont déjà montré qu'il n'y avait pas de contamination liée au plastique. Voilà. Et deuxièmement, qu'on se rassure, les experts qui travaillent sur le sujet mesurent régulièrement, suivent l'impact. Voilà, c'est tout. Et donc, on va nous faire gober ça, quoi. Oui, mais moi, je suis que ces décharges ne sont pas polluantes, ne font rien. Mais le vrai problème, il est quand même assez personnel, c'est à nous de cesser d'en consommer. Oui. Bah, c'est impératif. Ben, je vous remercie beaucoup, René-Lise et Bernard. Juste pour vous dire que Vittel, c'est pas loin dans les Vosges. Hein, beaucoup de gens qui vont se balader à Vittel. La décharge, elle est tout près de Vittel. Elle est très, très, très facile à trouver. Elle est directement en bordure de route. Donc, n'importe qui, un dimanche, peut aller faire une sortie décharge. C'est un excellent endroit où amener ses petits-enfants, par exemple. Nous, on a amené... Non, mais sans blague, nous, on a amené nos petits-enfants. Voilà. Et ben, je vais te dire que les petits-enfants, ils s'en souviennent. Hein, et ils vont s'en souvenir de ce que c'est que la pollution plastique. On ne les a pas traumatisés. On ne les a pas amenés de force. Hein, on a juste mis la paire de bottes. On est allé là. On n'est pas resté longtemps. Ils ont regardé le plastique. Ils étaient effarés, voilà, on est resté un quart d'heure là sur place et on est reparti. Ils s'en souviendront toute leur vie de ce que c'est que la pollution plastique. Mais donc faites-le, on a notre l'adresse là, c'est marqué le parcours sur notre site L'eau qui mord. Donc c'est très facile de faire ça. Si vous allez un week-end à Vittel pour regarder, écouter un concert, faire un tour dans le parc, aller à la piscine, que sais-je, regarder une course de chevaux magnifique... Voilà, faites un petit crochet par la décharge. Oui, je pense qu'on prendra rendez-vous au mois de juillet. J'y emmènerai mes petits-enfants. Oui, le 22 mars, si je peux encore juste une chose. Le 22 mars, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, on va faire un petit parcours dans Vittel. On invitera les gens, c'est un mardi, hein, on invitera les gens à nous suivre. Et bien sûr, notre chemin passera par les décharges. Merci beaucoup, René-Lise. J'ai envie de dire Pierre et Fabienne. On va pas oublier Fabienne quand même. Je vous laisse vous installer. Alors là, c'est une chanson de Jacques Bertin. On va se retrouver à l'époque de la décharge de Vittel dans les années 60. Et c'est une chanson qui s'appelle Paroisse. Des femmes sont assises dans l'hiver, le long de la radio sur un dernier travail. C'est tard la nuit, il est déjà dans les 10 heures. depuis longtemps dorment dans les chambres glacées. Des enfants protégés du mal par un signe de croix, des femmes sont assises dans l'hiver, il fait grand froid. À la gare, on attend encore le train de Combourg et Dole. Dans la prairie, les gitans guettent le sommeil des chevaux. Ils ont plié le cirque dérisoire et ils s'en vont. Demain, les maçons ne travailleront pas, sans doute à cause du gel. Demain, il y a messe pour la jeune fille qui est en deuil. De Nantes vient le givre avec ses cuivres, il fait grand froid. Paroisse de l'année 60 aux périphéries de la paix. Femme posée comme une lampe à huile dans le silence. Rassemble dans cet écrin-là tous tes enfants, emporte-les vers le bon Dieu et qu'on ne nous sépare pas. Demande-lui si c'est bien demain que le payeur passe et quand va-t-on enfin goudronner la rue, tu as froid. Ferme la radio, tu montes en faisant attention. Vers un endroit que je t'ai préparé dans ma mémoire et qui s'est détaché de moi pour vivre comme une chanson où tu es bien parce qu'on ne nous séparera pas. Merci infiniment, Pierre et Fabienne. Un duo parfait. Et maintenant, nous allons passer à un autre sujet qui est toujours dans les déchets. Et là, nous allons appeler Jean-Luc Tonnerieux et de nouveau Pierre Feutet. Voilà. Alors voilà, les déchets nucléaires, c'est quand même un sujet important actuel. Parce que voiture électrique, tout électrique, domotique, j'en passe, et des meilleurs, enfin. Voilà, donc tout ça, ça va nous produire des déchets aussi. Et déjà maintenant, où est-ce qu'on en est avec les déchets ? Jean-Luc. Le problème des déchets, il n'est pas d'aujourd'hui. En fait, je viens de relire. Donc le trait d'union donc, de la revue de la CRIRAD, donc du mois de décembre 2021, où il parle du stockage des déchets de WIPP, donc aux États-Unis. En fait, dans les années 50, ils y réfléchissaient. Et ils ont réfléchi sur un site pour y mettre leurs déchets. En préambule, d'habitude, je me dis que j'aurais dû commencer autrement. J'aurais dû parler de ces périodes d'années 50, 60, où, ça tout le monde le sait, les déchets, on les mettait dans des bidons fermés et on les jetait par-dessus bord. Mais pourquoi on n'a pas continué ? Donc c'est la question que je pose à l'Assemblée, pourquoi on n'a pas continué de le faire ? On s'est rendu compte que finalement, il se passait quelque chose dans la mer. On ne les a pas mis trop loin, d'ailleurs. Hein. On les a mis entre la côte anglaise et la côte française. Nous, les Français, les Anglais, on en sommes responsables. Donc, mais pourquoi qu'on a arrêté de les mettre ? Parce que donc, on a découvert qu'il se passait quelque chose qui n'était pas bien. Donc, on a pris la décision d'arrêter. Donc, aujourd'hui, on va les mettre sous terre. Donc, dans 100 ans, on découvrira que Mais il faut arrêter de les mettre. Donc, on a déjà cette expérience donc, du site aux États-Unis. Donc là, je reviens à 2022, du site aux États-Unis, donc où il y a eu... ils ont réfléchi à partir des années 50. Ils ont trouvé un site à partir de 1974, dans des mines de sel. Donc le congrès l'a officialisé donc, en 92. Ils ont fait des travaux. Les premiers déchets radioactifs arrivent au mois de mars 1999. Je vais faire une mini aparté. Dans des mines de sel, et on continue à consommer le sel de ces mines-là? Ben non. Non, d'accord. Non. Non, les mines de sel ont l'avantage d'être stables. Oh là là! Pour des centaines de millions d'années. Donc c'est stable, il n'y a pas de problème. Petite parenthèse. Donc, c'est les mines de la Haze, hein, c'est ça, en Allemagne. Donc, on a mis des déchets nucléaires. Les experts, les fameux experts, ont dit que c'était tranquille pour 300 000 ans. Quelques temps après, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des infiltrations d'eau. Le sel n'aime pas l'eau. Et donc, ça a remué dans les mines de sel de la Haze. Et donc, à cette heure-ci, les Allemands sont empêtrés avec leurs déchets nucléaires qui sont en profondeur, là. Et donc, ils envisagent de les rechercher. Ça va coûter des milliards et des milliards, hein, mais ça crée du PIB. Bon. Donc, pour en revenir donc, à notre site américain, donc, on pose les déchets à partir de 1999, c'est facile. Et puis, en fait, on était tranquille pour au moins 80 000 ans. On a un risque d'accident tous les 80 000 ans. Donc, on a déjà eu notre premier accident. Mais bon. Sauf que, il y a eu un accident le 5 février 2014, suivi d'un accident le 14 février 2014. Donc aux États-Unis, dans ce site-là, sûr, tranquille, les Américains, ils ont pris toutes les précautions qu'il fallait. Et on en a mis un maximum de sécurité, il n'y a pas de problème. Donc ils risquent de rien. Quel accident il s'est passé ? Un incendie. Mince. Ah oui ? C'est-à-dire que le déchet radioactif, par définition, il est chaud. Il est chaud, donc il produit de la chaleur. Et il produit aussi toujours de l'hydrogène en se décomposant. Et l'hydrogène est à partir de 4% dans l'air, ça devient un explosif, 5%, et il peut exploser. Donc, comme les déchets sont enveloppés de goudron... Donc le goudron, c'est inflammable. Donc hydrogène, goudron, chaleur, tout ça, ça ne fait pas bon ménage. Donc il y a eu un incendie et dans cette mine-là, il y avait du plutonium. Donc on a eu droit à un feu avec des fumées qui sortaient de ce trou, avec impossibilité de l'éteindre puisque c'était du plutonium. Donc grosse panique. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je pense qu'ils ont attendu que ça s'arrête à un moment donné, pour pouvoir à nouveau, soi-disant, maîtriser le site. Mais en tout cas, en 2014, oui, il y a eu une grosse inquiétude, parce que ça a fait un panache de fumée radioactif, une fois qu'il est dans l'atmosphère. Il ne faut pas être sous le vent. Ouais. Pourquoi entourer de goudron, si on sait que c'est... Non, mais on prend des dispositions, on est sûr, puisque à Bure... Donc, on recommence. Donc, à Bure, ils prétendent mettre des déchets nucléaires de haute activité et de moyenne activité. Donc, je ne sais plus c'est sur lesquels. Donc, ils sont enrobés de goudron. Il n'y a pas de souci. Alors, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'en fait, quand ça démarre, il faut savoir que pour Bure, donc on va arriver à Bure, et comme vient de l'expliquer Pierre, il y a un dégagement d'hydrogène. Et comme il ne faut pas une accumulation d'hydrogène, la seule solution, c'est de ventiler. Okay ? Donc, il y a une ventilation. Donc, il va durer. Là, on est en centaines d'années. Hein. Donc, il n'y a pas de problème, ça va ventiler. Et quand il y a l'accident, quand ça brûle, à un moment donné... Soit tu arrêtes la ventilation pour pas souffler sur le feu, Donc, du coup, dégagement, concentration d'hydrogène. Ah, donc, voilà. Soit tu arrêtes la ventilation, donc il y a dégagement d'hydrogène qui augmente, soit tu mets de la ventilation, puis ça souffle sur le feu, quoi, puis ça l'active. Pour Bure, il y a un hydrogéologue, Bertrand Thuillier, c'est un professeur d'université de Lille, je crois, donc qui a pris les documents de l'ANDRA, exclusivement les documents de l'ANDRA, 4000 pages, il les a travaillés. À la suite de ça, il a rendu un rapport, des conclusions. Et plein de questions sont posées, dont, entre autres, ces fameux colis bitumineux. Hein? Et il y en a plein. Et donc, la ventilation avec l'hydrogène, et puis il y a plein d'autres questions. S'il avait dit des âneries, il aurait été enquiquiné. Mais là, non, personne ne l'enquiquine. Il y a même... Pire que ça, c'est que l'IRSN, donc l'Institut de recherche et de sécurité, a repris des conclusions de Bertrand Thuillier pour demander à l'ANDRA de reviser sa copie, entre autres sur les fameux colis bitumineux, entre autres sur ça, mais il y en a plein des questions. Mais à ce tour-ci, on continue. Donc les déchets... Alors, si je peux rajouter pour CIGEO, donc, qui est le projet de centre d'enfouissement des déchets radioactifs en France, donc à Bure, dans la Meuse. Le truc, c'est qu'ils disent, on va mettre ça sous 500 mètres sous terre, dans une couche géologique stable, qui est de l'argilite. Et que, on choisit cette couche parce qu'elle est imperméable, elle ne bouge pas, etc. Sauf que le problème, c'est qu'ils font une descendrie, parce que les colis vont descendre avec des camions, donc ils vont faire une descendrie qui mesure plusieurs kilomètres de long. Donc c'est un trou qui accède à ces 500 mètres-là. Et puis il faut, comme disait Jean-Luc, une ventilation. Et la ventilation, c'est une cheminée. Donc, tu me dis si je me trompe, deux cheminées qui ont un diamètre de 11 mètres. Donc, 11 mètres, c'est une maison. Donc, il faut s'imaginer l'aération. Ils veulent mettre tous les déchets radioactifs de France dedans. Donc, il faut vraiment beaucoup d'aération pour virer. Les déchets radioactifs de haute activité. De haute activité, c'est-à-dire, c'est des déchets qui vont durer pendant des centaines de milliers d'années. Ce que tu annonces, 500 mètres de profond. Moi, j'imagine, je suis 100 mètres de chez mon voisin. 500 mètres de profond. Mon Dieu, mais c'est énorme. Prends la Tour Eiffel, c'est plus facile à imaginer. Hein. Elle fait 360 mètres. Oh, purée. Donc, non, ça fait 500 mètres comme ça. Ça va coûter un blinde. Ça coûte déjà. Pardon ? La longueur d'un porte-conteneur. Ben oui. C'est énorme ce que ça va coûter. Mais l'électricité va coûter. Mais non. Non, alors oui, non, ça c'est prévu, ça. Le prix de l'électricité est soi-disant en fonction de ça, parce qu'ils auraient provisionné pour créer ça. Mais ça, juste CIGEO, ça va coûter au moins 50 milliards déjà. Et après, par la suite, il faudra l'entretenir. Au moins pendant 100 ans. Puis après, il rebouche. Vas-y, René-Élise. Qu'est-ce qu'il est advenu de ce centre d'enfouissement aux États-Unis ? Est-ce qu'il a été fermé ou est-ce qu'il continue à fonctionner ? Et puis dans le monde, combien il y en a des centres d'enfouissement de déchets nucléaires ? Alors, le centre aux États-Unis, il est fermé. Donc, il ne remet plus de déchets. Là, les mines de la Haase en Allemagne sont fermées, on n'y met plus de déchets. Aujourd'hui, la Finlande, donc dans le sous-sol granitique, donc, a prévu, donc ils sont en train de travailler là-dessus. Donc eux, ils prévoient d'enfouir leurs déchets en sous-sol granitique. D'accord. Voilà, en Finlande. Et puis, c'est tout. Oui, non, ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas. Moi, à la limite, on ne sait pas très bien ce que font les chinois virus. J'ai vu un reportage, ils n'ont pas encore réussi non plus. Juste quand tu as dit que tu parlais de camions, donc ce n'est pas des camions qui descendent à Bure. Hein. Dans les descendries, Non, c'est pas vertical, c'est une pente. Ça descend par un système automatisé, un grand funiculaire. Non, à partir de là, tout est automatisé. Parce que les colis, donc, ils sont. Il y a deux sortes de colis. Et donc, on met ça dans des galeries. D'accord ? Une galerie, donc, dans les premières études, elles font suivant. Il y a deux types. Mais au début, on parlait de 80 mètres de long. Maintenant, c'est 130 mètres de long. Il est prévu 270 km de galerie. D'accord ? Et donc, dans une galerie, donc, il y a des galeries qui font 90 cm de diamètre. Donc, tu prends un tube dans lequel il y a un petit, je dis, peut-être pas exact, mais ça, d'uranium, puis ça, d'emballage pour protéger. Parce que de toute façon, tu ne peux pas rester à côté d'un colis. Hein. Donc, tout est mécanisé. Donc, tu prends un tube, tu le mets sur un, je sais pas, un wagonnet, je sais pas. Ensuite, tu en mets un deuxième, puis tu pousses tout ça au fond, sur 130 mètres de long. Et les autres déchets, donc, c'est beaucoup plus imposant. Donc, c'est des galeries qui font, je ne sais plus, 3 ou 5 mètres de diamètre. Hein, il y a deux sortes de trucs. Et le problème qu'on soulève aussi, c'est qu'ils annoncent que c'est réversible. C'est-à-dire que s'il y a un problème, comme au Nouveau-Mexique, eh ben, on sera capable d'intervenir et puis de faire quelque chose. Sauf que quand il y a un incendie radioactif, il n'y a personne pour intervenir. C'est trop dangereux. Comme dit Jean-Luc, un colis, à l'intérieur, il y a quelque chose qui est tellement radioactif qu'on ne peut pas rester à côté sans tuer. Et juste les chiffres. Quand on parle de mettre les déchets hautement radioactifs et moyennement radioactifs à vie longue, ça représente 1% du volume des déchets. 99,9% de la radioactivité en conserve. Hein? Donc on enfouit 99,9% de la radioactivité qui sont dans un seul pourcent du volume. Et donc c'est 80 000 mètres cubes hein, qui est prévu d'enfouir. Alors moi ce que je ne sais pas, c'est en fait quand on a un colis comme ça qui fait, on va dire, un mètre cube. De quel mètre cube on parle ? Est-ce qu'on parle du colis là, comme ça, dans lequel il y a ça d'uranium, donc c'est-à-dire trois boîtes de conserve, hein ? Je ne sais pas. Parce que le déchet radioactif en lui-même, donc... C'est lumineux, quoi. Ben oui. C'est petit. C'est costaud. Alors, je ne sais pas de petit et costaud. C'est uranium et plutonium, parce que quand on utilise l'uranium dans une centrale nucléaire, il y a du plutonium qui est produit automatiquement. Donc c'est les deux qui sont mêlés dans ce déchet. Donc un feu de combustible nucléaire, c'est extrêmement toxique. C'est très intéressant parce que c'est vrai que quand on parle des déchets nucléaires, c'est intéressant de savoir ça parce qu'on visualise mieux ce que ça représente. Et puis effectivement, ça pose questionnement. Oui. À l'ancienne mode, moi j'ai connu les déchets dans l'océan, hein, mais ils sont toujours là, les caissons. Hein, je veux dire, je sais qu'il y en avait qui s'ouvraient, c'était au premier temps où Charlie Hebdo menait le combat anti-nucléaire, il y avait un certain Pinheiro. Bon, bref, c'était dans les années 70. Ouais, c'est ça, et alors on parlait beaucoup de ces caissons qui s'ouvraient, mais ils sont toujours là. Il y a une nappe souterraine d'ailleurs, je crois que c'est la même nappe que celle qui passe sous Vittel, qui passe sous Bure. Est-ce qu'avec les déchets nucléaires, il y a des risques de pollution de cette nappe comme les déchets plastiques peuvent polluer les nappes souterraines Alors, l'idée, globalement, de l'ANDRA ou de CIGEO, c'est de confiner, on a compris ce que ça veut dire, hein, c'est d'enfermer. Donc c'est de confiner les déchets nucléaires. Donc les déchets nucléaires, donc, ils ont une demi-vie. Vous savez ce que c'est quoi là ? Donc au bout d'un certain temps, c'est deux fois moins radioactif. Et ainsi de suite. Donc c'est de les garder suffisamment longtemps dans le sol, parce que quand ils arriveront en demi-vie, à force de se réduire, sachant que pour le plutonium, on parle de 24 000 ans pour la demi-vie, d'accord ? Donc on prend plein de demi-vies, en général une dizaine, donc on arrive à 240 000 ans. Et au bout de ce temps-là, ils sont plus trop nocifs. Et donc, mais les 500 mètres d'argile, ils vont nous permettre de bloquer la radioactivité. Donc, effectivement, il faut se poser la question, parce que ça va diffuser dans la couche d'argile qui est au-dessus, mais ça va se diffuser, a priori, en dessous aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Donc, oui. Oui, on ne peut pas connaître... S'il y a un incendie, il me semblait que Bertrand Puy, dès que s'il y a un incendie ou une explosion, la couche d'argile, elle risque de cuire et de se fissurer. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là des risques de contamination de la flotte? Comme on ne peut pas boucher ce qu'on a creusé, puisqu'il y aura toujours une cheminée, et puis les conduits, et puis etc., pour surveiller le... Il y aura toujours des endroits où l'eau pourra passer. Et comme l'argilite, elle est saturée d'eau, assez soluble, si on met un bout d'argilite dans un verre d'eau, elle se décompose rapidement. Donc si l'eau rentre dans le site... L'argile est saturée d'eau. Notre organisme, il est à 80% d'eau, hein, si je ne me trompe pas. Donc, on ne voit pas d'eau couler. Et l'argile est saturée d'eau. D'où la réaction donc, d'hydrogène et tout ça. Et puis donc, de cuisson et puis de dissolution. Alors, pour en revenir à ce que vient de dire Pierre sur la réversibilité, c'est que pendant la période des travaux, une fois qu'on a fermé la porte, ça ne s'appelle plus... Donc, il est prévu de creuser des galeries. Il prévoit de commencer de descendre des déchets, des colis, et puis de terminer de creuser à côté. Donc, cette période-là, elle dure 130 ans. Pas pour le moment, à ce tour-ci. À l'origine, c'était 100 ans. Maintenant, c'est 130. Donc, c'est comme les effets. Donc, ça c'est pour Bure. Donc, c'est les déchets hautement radioactifs et moyennement radioactifs à vie longue. Dans les déchets nucléaires, il y a des tas de choses qui sont aujourd'hui, quand on met de l'uranium dans la centrale nucléaire, tu me rectifies si je me trompe, à un moment donné, et donc ça va... ce qu'on retire, donc... Quand l'uranium est usé, on le retire, on l'envoie après plein de périodes de stockage, et puis on l'envoie à La Hague. À La Hague, ce qu'ils appellent une usine de retraitement, on travaille donc sur cet uranium et on sépare les éléments. Donc on récupère de l'uranium appauvri. Il faut savoir que l'uranium appauvri, donc c'est des grandes quantités, donc c'est ce qui est c'est ça qui produit l'énergie. Ce ne sont pas des déchets nucléaires, ça il faut le savoir. C'est pas ça les déchets nucléaires. Donc ces déchets nucléaires, on les appelle pas des déchets, on les appelle pas déchets parce que on sait les recycler. Donc on va recycler. Donc à cette heure-ci, on stocke l'uranium appauvri qui a deux destinations, faire des bombes à uranium appauvri qui sont désastreuses. Qui ont été utilisés au Kosovo, en Irak et en Afghanistan. C'est absolument horrible. Donc on fait des bombes à uranium appauvri, on sait faire ça. Et l'autre utilisation, c'est le MOX. Donc là, on refait un nouveau... on le mélange avec du plutonium, ça. Et donc, on fait donc un nouveau combustible nucléaire. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on a... stock d'uranium appauvri. Il faut faire beaucoup de bombes à l'uranium appauvri. Moi, j'étais un peu perdu. Parce que s'ils arrivent à réutiliser, appauvri ou pas appauvri, enfin bref, hein, à remettre un circuit, c'est quoi qu'il y a dans les bidons alors? C'est autre chose. Ah ben. Non, mais attends, là, faut m'expliquer. Non, il y a autre chose. Il n'y a pas que ça. Il y a tout simplement le réacteur. Le combustible. Oui, ils en font des barres, des combustibles atomiques. Ils en font des barres sous forme de rond. Et il est sec, ça en fait. Oui, non, mais t'as d'autres éléments qui sont très radioactifs dans une centrale nucléaire. T'as pas que les barres d'uranium. D'accord. T'as tous les éléments qui sont autour, là. D'accord. T'as simplement le réacteur. Le réacteur, c'est une pièce un réacteur, c'est un cylindre qui fait, on va dire, le diamètre là par 8 mètres de haut. Donc c'est une pièce quand même. C'est... Oui, donc je disais, l'uranium appauvri qu'on récupère à la Hague, aujourd'hui on en a un petit stock. Si on l'utilise pour faire du MOX, cette heure-ci on en a assez pour tenir 10 000 ans. Donc l'uranium appauvri qu'on stocke à la Hague, qui non mais ce que je veux dire simplement par là, c'est que quand on le MOX, oui, oxyde, c'est de l'oxyde, enfin c'est un mélange de deux oxydes, oxyde de plutonium et oxyde d'uranium, qui est un combustible qui est utilisé dans les centrales nucléaires françaises et puis quelques-unes au Japon aussi. D'accord. Celle de Fukushima venait juste d'être chargée en MOX. D'accord. Voilà. Donc, non, mais c'est sur ce que je veux expliquer simplement, c'est qu'on parle d'un certain nombre de tonnes de déchets nucléaires, mais par un subterfuge où il y en a plein, dont les fameuses donc, pastilles d'uranium, les d'uranium, là, en question, ne fait pas partie. Et c'est un autre gros problème, on n'en parle pas de ça. Ils sont pas classés, non, ce n'est pas des déchets puisque c'est réutilisable. Voilà. Donc, on a, à cette heure-ci, on en a déjà pour 10 000 ans. C'est un tour de passe-passe. Ouais. Et puis, il y a aussi une production. Les centrales, elles produisent aussi du plutonium en permanence. 11 tonnes par an, les centrales françaises. Donc, ça aussi, c'est un déchet dont ils ne savent plus quoi faire puisqu'on ne l'utilise plus trop. Enfin, il y en a beaucoup trop pour fabriquer des bombes. On ne sait pas quoi en faire. Donc on ne sait pas quoi faire du plutonium non plus. D'accord. Ça, c'est pour les éléments importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, on a parlé donc du... C'est que 1% en termes de volume, mais tout le reste est contaminé, il est radioactif. Les bétons, enfin, il y a plein de déchets nucléaires, moyennement radioactif à vie courte, ou alors faiblement radioactif, ou alors très faiblement radioactif. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc on les stocke à Morvillers, on en stocke énormément donc, dans l'Aube. Hein, donc il faut aller voir sur le site de Michel Guérit, qui s'appelle La qualité de la vie. Vous tapez La qualité de la vie, vous tomberez sur son site. Et alors, donc, depuis très longtemps, donc, ben, les parties métalliques, ben, on peut les refondre. Et puis, on va construire des objets. Et ça y est, donc, depuis 15 ans, qu'on en parle, pardon, eh ben, ça y est, mardi dernier, alors je ne sais pas si c'est il y a 3 jours ou il y a 10 jours, on a enfin notre président de la République qui a signé le décret autorisant. Donc, ils vont pouvoir désormais être recyclés après obtention de dérogation. Donc, ils ont signé 2 décrets au journal officiel et ils prévoient la mise en œuvre d'opérations de valorisation de substances faiblement radioactives. Voilà. L'usage de substances provenant d'installations nucléaires ne peut faire l'objet d'une dérogation aux interdictions. Attends, il faut que je le retrouve, mais... Donc, c'est... Bon, globalement... Globalement, on peut faire des casseroles. On peut faire des casseroles et qu'on pourra acheter prochainement des objets radioactifs sans le savoir, parce que ça ne sera pas marqué sur l'étiquette. Les poutres... Bon, en ce qui concerne les casseroles, on est quand même des enquiquineurs, parce que ça sera que 300 fois... inférieur à la radioactivité naturelle. Donc, il ne faut quand même pas en faire une pendule. Bon, voilà, c'est 300 fois. Mais la radioactivité naturelle, on n'a jamais dit que c'était bon. Je continue là-dessus, parce que la radioactivité... Mais non, ça existe. Mais oui, alors, on est en France. Donc, un pays nucléariste, par définition, à fond. Sauf que, dans les années 70... Le gouvernement français a pris des dispositions sur le radon. Le radon, c'est un gaz qui, par la suite des demi-vies, qui vient donc de l'uranium. Mais c'est un gaz radioactif. Et on le trouve dans les sites granitiques. Donc, en Bretagne, dans le Massif central, et aussi dans les Vosges. Et donc, vous savez très bien que dans les Vosges, il faut aérer les bâtiments publics. Bon, les maisons, ils se débrouillent. Hein, mais les bâtiments publics doivent être aérés régulièrement pour ne pas avoir une concentration de radon. Ah, vous saviez ça, vous aérez tous les maisons. Et les bâtiments publics sont tous aérés. Donc, si il faut aérer régulièrement pour éviter l'accumulation du gaz radon, eh ben, faut me dire pourquoi alors, s'il faut l'aérer, si c'est pas dangereux, si c'est dangereux. Non, donc on va conclure que c'est dangereux. Non, on va conclure qu'on vous remercie infiniment, parce que là, je pense, je ne suis pas la seule à avoir appris, mais énormément de choses qui m'étaient totalement inconnues auparavant. Et je pense pour beaucoup d'entre nous aussi. Parce que c'est quand même, effectivement, quand on en parle comme ça, c'est impressionnant. Hein. Là, je trouve ça impressionnant. D'ailleurs, j'ai éteint les lumières partout où j'ai pu, et j'en ai gardé que le minimum. Non, mais, parce que... non, mais on dit que des choses très basiques. Hein, on a pas... Non, mais ça, c'est comme le plastique. Hein, n'en consommant plus, l'électricité, consommons-en moins. Et puis, on sera, les vaches seront bien gardées. Hein, ça devrait être ça. Ben on remercie beaucoup. Non, ce qui... Oui, Jean-Luc, je te laisse conclure. Non, mais moi, il y a quand même un truc, que ce soit le plastique, que ce soit la radioactivité. Quand on dit que c'est pas nocif et puis que c'est dans les normes, moi, je veux quand même qu'on comprenne qui c'est qui établit les normes. Moi, je voudrais bien qu'on fasse une recherche, savoir qui établit les normes en ce qui concerne la radioactivité. Ça nous vient essentiellement de la CIPR, Commission internationale de protection radiologique. Donc c'est une organisation onusienne qui existe depuis fort longtemps, hein, puisque ça préoccupe quand même. Mais ce sont encore des experts. La CIPR, ils se cooptent. Il n'y a pas de Bernard ou de Sylvie. Non, c'est des gens qui sont à un haut niveau. Et puis pour rentrer là-dedans, il faut être coopté. Un exemple... Karl Morgan, qui était, lui, à l'intérieur de la CIPR, ben, c'est donc un scientifique, un expert, travaillait bien là-dessus. À un moment donné, il a commencé à dire des choses qui n'étaient pas correctes, il s'est fait virer. Donc c'est quand même ces gens-là hein, qui, nous, tout en haut, au niveau mondial, c'était dans notre sketch, hein, la CIPR, eh ben, donc, qui établissent les normes. Donc c'est des scientifiques, ils n'ont aucun intérêt pour le citoyen. Aucune réflexion. Et que ce soit là-dessus, que ce soit donc sur les pesticides. Une autre petite image, donc, parce que je suis en train de lire un bouquin, mais j'ai appris un truc. Une nanoparticule, hein, je ne suis plus dans le nucléaire, nanoparticule, c'est quoi? C'est une petite particule, toute petite. Ben, vous imaginez une cuillère de sel. Cuillère de sel. Dans une piscine de 100 mètres par 100 mètres par 100 mètres. Ça, c'est une nanoparticule. Ça donne la taille d'une nanoparticule, 10 puissance 9, moins 9. Donc, c'était juste pour... Quand on parlait tout à l'heure des plastiques, des microplastiques, mais c'est de la taille-là, une nanoparticule, et ça a un impact sur l'organisme. Bien sûr. Oui. J'arrête. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. On va faire passer Sylvie qui va nous lire un joli petit texte pour donner un peu de répit à Pierre, qui est beaucoup sollicité ce soir. Sylvie, voilà, parce qu'après tout ce qu'on vient d'entendre, on va passer un peu dans un peu de poésie. Ça va être très court. Oh non, c'est inventif. Et allez, vas-y, explique-nous. Comme voilà. D'habitude. Juste tout à l'heure, j'ai une chance. Enfin, je sais pas si vous avez connu le groupe Elmer Footbeat. Le plastique, c'est fantastique. Le caoutchouc, ça me fait penser à ça. Voilà. Alors, nos déchets. Je vais lire lentement parce que c'est pas long. Les dés chez Dédé. Les chais du Bordelais. On stocke les bouteilles de vin. On lance une partie de jeu. Le langage syllabique permis d'ouvrir au magique. telle une boîte de sardines dont on détient la clé si fine. Les déchets. Les déchets nucléaires, recyclables, radioactifs, plastiques, organiques. Pertes qu'une chose subit dans l'emploi qui en est fait. Résidus inutilisables sans destinée. Les déchets ménagers d'un côté. Les déchets d'activité économique de l'autre. La lymphe qui recueille certains déchets. Les déchetteries où en sont déposés d'autres. Étymologiquement, déchet vient de déchoir, du latin cadere, tomber. Du point de vue économique, n'a aucune valeur marchande. Alors, nous pourrions réfléchir au réemploi. Toute une abondance à portée de main. Troquons, osons, transformons en toute foi. Le tri, c'est vraiment pour demain. Observons aussi nos fonctionnements, nos habitudes. Faire du vide pour accueillir le nouveau, avant d'en arriver à la décrépitude et laisser la place au beau. Bravo, merci. Avant d'entendre Vincent, on va entendre Pierre. Voilà, et Pierre et Fabienne, je pense. On peut les appeler tous les deux. Une autre chanson de Jacques Bertin, qui a été inspirée après le coup d'état de Pinochet. L'ambassade est une bouche fermée désormais pour longtemps. On y a mis pour faire respecter les lois de l'hospitalité des gendarmes français. Toujours les mêmes. Pour faire circuler le cœur des gens. Cela sera un peu plus dur de vivre avec le souvenir de ce crime au coin de la rue et tout ce sang. Il y a eu un crime, on a tué un peuple, on fait circuler les passants. Je circule donc, la vie me pousse sans ménagement. Je m'en vais me construire avec le mortier des reculs, des renoncements. Une maison où je place chacun à sa place, mon enfant, mes amis et 100 000 générations de pauvres gens. Sur la toiture, je mettrai cet arbuste fait de grands mots. La dignité ou la justice, tout ça fait un peu théâtral. Dessinateur prudent, je bâtis une maison pour 10 000 ans. 10 000 ans de lutte contre 10 000 ans de mensonges. Je suis patient, je me bats quelquefois le dos au mur avec le bonheur fou que je protège sous ma veste comme un message ou une bombe destinée à quelques clandestins. À cause de ce bonheur-là, je dis que je suis invincible. À cause du fil qui dans les siècles se tend, je ne faiblis jamais. À cause de ce bonheur, je suis partout chez moi et je ne suis jamais déraisonnable. Tous ceux que je méprise sont nus, je les soupèse, je les dévisage. Craignez le regard qui écrit votre vrai nom sur vos visages. Comme une gifle cinglante ou comme une balafre, l'insolence est à la jeunesse du monde. À la passion, je suis partout dans ma maison. Je n'oublie rien jamais, je ne faiblis jamais. J'écris sur des papiers pour des saboteurs. Courez la nuit le long des voies, j'écris sur le bonheur et sur la joie. J'écris pour le Chili et pour le temps qui va. Qui ne donne sa force qu'à ceux qui ont un monde à gagner. J'écris à cause du feu dans ma tête et de la mort qu'il faut nier. J'écris à cause de tant d'amour et tant de douleur. Bravo. Merci beaucoup pour ces moments musique très chaleureux. Vincent, je vais te laisser aller jusqu'au micro. Alors voilà, donc tu m'as demandé un texte sur la pollution, sur tout ça. Bon, moi j'en étais resté à autant des poissons dans l'océan. Hein. J'ai fait de l'antinucléaire à ce moment-là. Bon, je sais que ça n'existe plus. Alors, j'ai pas toutes les dimensions et le débat. Et le débat permettra sans doute d'évoquer des tas de choses. Sylvie a évoqué le beau. Tout à l'heure, la brandade de morue m'a rappelé le midi. Et moi, des images me sont venues. Simplement, puisque je connais près de dans le Midi, où je viens, à Entre-Saint, à Istres, près d'Istres, une grande déchetterie. Alors, je ne sais pas si elle est bien ou pas bien, je n'ai pas mesuré tout ce qu'il y a comme déchets. Je sais que les jours de Mistral, ça vole partout, il y a des mouettes, tout ça. Alors voilà, c'est pour moi une image. Et maintenant, y a-t-il du beau possible, disait Sylvie. En tout cas, il y a de la brandade, mais... Voilà, c'est dans tout ce questionnement que je voudrais, d'ailleurs qu'on ouvre après, dans le débat que nous aurons, voilà quelques images qui me sont venues sur la commande de la soirée. Le cri-cri est parti du bois, la mouette qui replète se nourrit pourtant, vive des effluves, bordille, on dit en Provence ou ailleurs, à Entre-Saint, si seulement, bon... Clam, clam, pipi, vol au vent, vol tri, parfait d'ordure, l'or qui dure pas. Oui, c'est la grande déchette qui rit de l'humain au vent. Au vent, Mistral. Grand le mouvant vers Istres, Miramas. Et pas loin la Mède, sans air, bien nommé. Étant suspend ton vol, le pétrole y est mis, les pieds dans le cambouis, on y baigne serein. Année des méduses. La fin du monde, la fin du monde. Bon appétit les rats, les nuisibles. Les insectes ont fui, pourtant, sauf les moustiques, l'enfo. Ainsi font les avions, vion, qui bouffent, touffe, le kérosène gégène. Va et vient de l'infini des ondes, perturbant à la ronde, pas gironde, les cerveaux accablés, perturbés, affolés, d'infos faux, mélangés, malaxés, maestrum trans, monde affolé. Et le spectacle tourne, vire sur la tête, retourne. Le chant qui, dès, sente la mort de tout, sur gris de fond, vent gris, vent du pourri, vent qui souffle des égouts remplis, va le vent puant aux poubelles la vie, vie, pute la vie. Et nous, très chers déchets, hachés, menus ou à la carte, bientôt parlez-en par les flux, par les eaux, au secours, qui balisent les tombeaux. Oui, mais, tout ça, dès qu'une fille passe devant moi, j'ai du soleil dans les cheveux, j'ai comme des filles dans les épaules, j'ai l'électrique dans les guiboles, j'ai comme de la vie dans les bras, ouais, j'ai l'envie de vivre qui est là. Oui, dans la vue, dans les yeux du printemps, dans les cheveux. Qu'il repousse, et que repousse la mort, qui ne nous mord les basques, que pas trop. Et tant à tant qu'il y aura, wawa, une goutte de vie, eau de vie, dans l'espace on pourra, fois de fois, regarder notre étoile qui dit, inaccessible étoile, qui dit, redit, ravi que l'Éden et Ève ressurgit et agit, du fond de tout possible dimension, crevasse de l'éternité qui est au cœur, du cœur, du germe irrédent, poil aux dents, ceux de pluie d'or. Voilà, tendre les bras, Dieu le veut, chimère ma mère, mon non éphémère en flamme de la flamme, première, le nouveau chant qui ne décesse, père, éternel le retour à plus d'un tour dans son tour. Merci Vincent, merci à tous. Et bien maintenant, nous allons passer à notre incontournable tour de table. Voilà, Sylvie. Juste que bah, j'ai fait du... Moi, ce qui m'amuse, c'est de rechercher aussi avec le mot, l'étymologie, les recherches. Et en même temps, j'ai lu que déjà 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'était déjà un sujet de préoccupation, les déchets. Et donc, quand on dit 21e siècle et 20e siècle, le focus, bah, je me dis non, ça date d'il y a déjà longtemps. J'ai lu une petite phrase, mais je n'ai pas retrouvé la trace. Je l'avais survolée en faisant des recherches. C'est vrai qu'il y a eu des époques où les rivières n'étaient absolument pas fréquentables. Parce que, ouais, ils jetaient ça comme ça, quoi. Ouais, c'était déjà un problème à l'époque. Donc, ils en fait. Tous leurs déchets, mais bon, ce n'était pas du plastique, ce n'était pas autre chose. Mais ils avaient, ben, il y avait le choléra, il y avait plein de trucs comme ça, des déchets organiques, mais qui étaient tout aussi mauvais, effectivement. Donc, moi, j'ai juste l'impression que là, quelque part, j'entends focus, mais en même temps, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et en parallèle de ça, j'ai eu un entretien avec un naturopathe, là, ces jours-ci. Et du coup, je pensais aux déchets. Alors, on parle des déchets à l'extérieur, mais c'est un peu le lien que j'ai voulu faire. Enfin, je n'ai pas trop développé ce texte, mais que je pense qu'on a des déchets dans nos pensées, on a des déchets dans notre corps. Et peut-être, avant de s'occuper de tout ce qui se passe à l'extérieur, si chacun s'occupait déjà de son bien-être et de son intérieur, à petite échelle, et ben, tout ça, ça fait plutôt que... Je ne sais pas comment dire... de s'occuper, d'aller à la source et d'arrêter de mettre... voilà. Je reprends. Maintenant, c'est intéressant quand même. Et ça m'a vraiment tilté, moi, c'est d'entendre quelqu'un qui me dit, bah, nettoie par la lymphe, tu nettoies tes déchets. Et il y a aussi toujours ce truc de, ouais, voilà... Ah, ça, c'est sûr que c'est encore un sujet très intéressant. Ouais. Et voilà. Et puis sinon, ici, j'avais une petite idée, mais je ne sais plus. Bah, j'ai appris quand même pas mal de choses parce que je suis un peu réfractaire à anti-nucléaire depuis que je connais Jean-Luc, il le sait, mais où ? Je ne le vois pas. Je ne me suis jamais intéressée au sujet, c'est volontairement, je ne sais pas pourquoi. Et en même temps, j'ai entendu des choses et aussi sur les déchetteries. Ah si, la petite anecdote, c'est que j'ai vécu une année en Guadeloupe dans les années 90 et j'ai été marquée à vie de ce que j'ai vu aussi là-bas. C'est-à-dire qu'à un coup, je suis allée au bord d'une pointe au nord de l'île et il y avait des magnifiques plages et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de déchets. À vue de tous les millions de touristes qui défilent là-bas. Sur des centaines de mètres, et c'était dans les années 90. Ouais. Et il n'y a pas si longtemps que ça, à Bar-les-Bains, parce que j'adore marcher, à la sortie de Bar, sur une boucle officielle que vous trouvez à l'office de tourisme, qui s'appelle La Forêt, on sort, je fais cette boucle, et des murs entiers le long des forêts, remplis de déchets, que les gens jettent, d'une rue qui est au-dessus, sur, je dirais qu'il y a 3-4 mètres de haut, sur je ne sais pas combien de mètres de long. Enfin, c'est partout, quoi, c'est présent partout. Donc, on peut le montrer du doigt, mais à un moment donné, oui, peut-être... enfin, c'est plus... moi, je serais plus anti-consommation et réduire tout ça, réduire pour... voilà. Voilà ce que je voulais dire. Très bien, merci beaucoup, Sylvie. Vincent. Oh, moi, plus de questions que de réponses, plus d'inquiétude ou peut-être d'espérance. Tiens, une idée qui me vient, tiens, où vont aller tous ces petits masques-là, qu'on est si jolis qu'on a en ce moment, qu'on n'aura peut-être plus. Voilà, ça c'est une question. Trop près. Une question que je me pose. Et puis voilà, tout le reste, est-ce que de tout ce monde d'immondices, ce monceau d'immondices, un pile poil de vie pourra malgré tout émerger ? Est-ce que la vie passe une chance d'émerger même partout, c'est ce que je me pose, même sur les décharges, j'en sais rien. Est-ce que de tout cela, il restera quelque chose ? Est-ce que l'humain et la vie ont une chance ? Voilà la grande question. Merci beaucoup. On va aller à Mélanie. Bon, Catherine, j'aime bien venir chez toi, mais ce soir, on est bien plombé là quand même. Hein. Voilà, on y réfléchira deux fois à la prochaine invitation. Oui. Donc, bref, c'est vraiment le ressenti là en direct que j'ai, mais en même temps, je trouve que c'est pas anodin dans le comportement général de tout le monde. C'est quand même bien plus facile de se mettre des œillères plutôt que de s'abreuver de sujets qui vont nous empêcher de dormir et de vivre normalement. Donc voilà. je te promets que le prochain sujet sera différent. Non, oui, mais voilà. Tout ça pour dire que néanmoins, c'est important, c'est nécessaire Je souligne le courage des gens qui ont la volonté de faire ressortir ces sujets-là, malgré tout le silence qu'on veut mettre autour. Et le manque de sérieux qu'on veut donner à ces sujets qui sont très sérieux pour tout le monde. Et effectivement, je rejoins aussi le discours de Sylvie, quand on s'intéresse et qu'on a beaucoup d'inquiétudes, c'est aussi des déchets qu'on se fait à l'intérieur de nous-mêmes, parce que c'est des réflexions négatives, ce genre de choses. Et néanmoins, pour revenir à soi, le corps humain, il sait, quand on l'écoute, avoir ses cycles pour se débarrasser des déchets. Et effectivement, il y a une inspiration peut-être à avoir par rapport à ça. À une plus grande échelle, la nature, elle sait quand elle sait s'occuper de ses déchets. Quand c'est pas des matériaux qu'en fait on va chercher à l'autre bout de la planète ou qui viennent d'un autre âge, voilà, d'un autre cycle de vie. Je pense par exemple au pétrole, en fait. C'est des milliers d'années de matières organiques qui se sont formées et qu'on découvre, voilà, en 30 ans, 50 ans, on le sort d'un coup, il y a un problème d'échelle de temps, et c'est ça qui fait le déchet, en fait, parce que dans la nature, sinon, il n'y a pas de déchet. Voilà. Je pense que c'est important, j'entends bien ce que tu dis, je pense que c'est important de considérer la réalité telle qu'elle est. Je dirais qu'effectivement, c'est un sujet important, lourd, seulement, il y a des côtés positifs. Simplement ce soir, moi je ressors pour moi, hein, je ne pars pas pour, mais pour moi personnellement, oui, j'aurais pas pensé, mais je vais amener mes petits-enfants voir ça. Parce que c'est vrai que ma part de responsabilité, c'est ma petite goutte d'eau du colibri. Mais qu'est-ce que je peux faire dans mon environnement? Alors moi, plastique, c'est vite vu, j'achète plus rien sous plastique. Hein. Et puis s'il y en a, je les laisse dans les magasins, carrément. Mais d'un autre côté, je fais aussi très attention à plein de choses. Et peut-être que si je ne m'intéressais pas et je ne me documentais pas un minimum, peut-être que je vivrais avec des tonnes de plastique dans ma poubelle. Donc je pense que c'est quand même... Enfin, moi, je préfère des tristes vérités que des pieux mensonges. Mmh. Voilà, c'est ce que je dirais. Mmh. Que, bon, il faut être responsable. Ben, se mettre des œillères, voilà, ça ne dure pas longtemps. Je trouve qu'il vaut mieux être responsable, adulte et assumé. Oui, voilà, c'est comme ça. Voilà. Mmh. Voilà. Merci. Et pour terminer, je voulais vous recommander une bande dessinée que j'ai lue il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Le droit du sol. Le dessinateur, c'est Étienne Davodeau, et qui fait le parallèle entre des peintures rupestres dans des grottes, donc issues de milliers d'années, donc un témoignage, voilà, que nous a laissé nos ancêtres. Donc le parallèle entre ces peintures rupestres et les déchets qui vont être enterrés à Bure, que nous laisserons du coup à nos descendants aussi pour des milliers et des milliers d'années. Le tout avec un dessin très sensible au rythme du marcheur, puisque concrètement il marche du site des grottes vers Bure. Donc voilà, l'échelle et le rythme du marcheur, le rythme de la nature pour réfléchir à tous ces sujets-là. Et du coup, ça fait le lien aussi avec le beau, la beauté, le rythme de la nature que nous avons besoin avant tout pour nous sentir bien. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre des œillères et qu'il faut regarder la réalité en face pour réellement la respecter, cette nature, dans toute sa beauté. Merci beaucoup. Rappelle-nous le nom de cette bande dessinée. Le droit du sol. Oui. Étienne Davodeau. Étienne Davodeau. Voilà. Merci beaucoup. Fabienne. Elle m'a pris ma bonne idée de parler d'Étienne Davodeau. Donc, je recommande énormément cette lecture parce que c'est une autre façon d'aborder le sujet. pas en allant lire ou regarder un documentaire, mais en se laissant porter par son rythme de marcheur et ses dessins. Voilà, je pense que ça peut faire entrer dans le sujet des personnes qui ont envie de se mettre des œillères parce qu'ils ont envie de, ils n'ont pas envie de voir ces horreurs dont on nous a parlé ce soir. Et je pense que la meilleure solution pour ne essayer de, d'en faire de moins en moins des horreurs de ce genre, c'est de ne pas les créer, les déchets. Nos grands-parents et un peu nos parents fonctionnaient comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on recyclait pas mal de choses, on partait avec son panier faire ses courses. Alors ça revient, hein. On allait chez le boucher, la viande n'était pas sous plastique. Les déchets, c'est pas seulement les déchets radioactifs, toutes ces bouteilles plastiques, etc. Ça, c'est aussi énorme dans la mode. Des vêtements qui sont créés et jamais vendus. Parce que toutes ces collections doivent tourner très très vite. Et voilà, c'est partout en fait. Et donc il faut ne pas se laisser entraîner dans une société de facilité, parce que c'est facile d'acheter sous plastique, de mettre dans une poubelle qui va disparaître en fin de semaine, ou même peut-être des fois le lendemain matin. Et on ne sait même pas où elle va aller, en fait. Et la plupart des gens ne savent pas où ça va et ne cherchent pas à le savoir parce que c'est arrangeant. C'est ça. Voilà. Je crois que là, il y a notre façon de vivre qui est à revoir complètement. Mais enfin, on voit plein de choses qui se passent en ce moment, qui se créent, tous ces magasins qui se créent, qui font du vrac, ces entreprises qui essayent d'utiliser le moins possible de déchets. Je pense que c'est bien parti. Non, on va passer le micro. Moi, je voulais juste dire que c'est vrai, ce soir, moi, j'ai appris plein de trucs. On a parlé beaucoup de déchets, entre guillemets, industriels, à très grande échelle. Mais ça commence par moi, quoi. Moi, j'ai essayé toujours... j'ai toujours vu ma mère faire le moins de déchets possible, le moins de gâchis. On ne jette pas, on recycle, etc. Moi, j'essaye, à mon petit niveau, de faire le mieux que je peux. Et quand mes enfants étaient encore à la maison, rien ne se perdait. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'emballage. Maintenant, c'est devenu de plus en plus difficile, même si on veut, de ne pas avoir des emballages. Donc, voilà. Moi, je crois que j'ai transmis un peu de ça à mes enfants, de faire attention aux déchets et au moins jeter. Oui. Ben, on va en profiter pour passer le micro à Evelyne. On viendra après vers vous autres. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses. C'était très intéressant. Bon, c'est énorme décharge près de Vittel, oui, c'est assez incroyable. On a l'impression d'être dans un truc de science-fiction, mais c'est la vérité. Bon, moi, quand j'étais enfant, c'est vrai que notre poubelle, c'était les boîtes de conserve et les bouteilles qu'on mettait dans un coin de la grange et puis qu'on allait porter tous les 3 mois dans la carrière où on jetait tout ça. Voilà. Oui, on mettait ça dans la carrière. Oui, dans les années 60. Voilà, il n'y avait pas de poubelle, il n'y avait pas de ramassage de poubelle. Enfin, on avait peu de poubelles quand même, mais il y en avait quand même, ça c'est sûr. Hein. Maintenant, on trie. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est si le tri est vraiment efficace, en fait. On trie tout ce qu'on a. Est-ce que c'est vraiment recyclé? Ça, je ne sais pas. Je trie. J'essaye d'avoir le moins de déchets restants possible. Bien sûr, je fais très attention à tout ça, à utiliser le moins possible de plastique, plus du tout de bouteilles plastiques. mais ça me semble tellement petit, ce que je peux faire, tellement petit, puisque l'air est pollué, l'eau est polluée, la terre est polluée, les fonds sous-marins sont pollués, les glaciers sont pollués. On ne trouve plus un endroit, est-ce qu'il existe encore un endroit sur la planète, et même maintenant, au-delà de la planète, c'est pollué là-haut, les satellites et je ne sais pas quoi. Alors, je me sens concernée. Je me dis, mais fais ton possible, hein, fais ton possible. Tu vas pas empêcher j'ai l'impression de... Le satellite de ton mélange. J'ai l'impression de ne... Que c'est presque inutile, mais je ne voudrais pas que ça soit inutile, mais c'est tellement énorme. Merci beaucoup, voilà. Evelyne. C'est vrai que je partage, oui. Ben, Patrice, il est dans... Ah oui, voilà, alors, vas-y. Alors, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, on est en 1970. Donc, je suis natif de Haute-Savoie. Et donc, on a une professeure de français qui nous apprend l'écologie bien avant l'heure. Et tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, elle en parlait déjà. Et ma première manifestation, je l'ai faite en 71 avec mes camarades de classe. Donc, on était avec des boîtes de conserve et on parlait justement des déchets. Et donc, on était soit avec des boîtes de conserve, soit avec des sacs plastiques, soit habillés en carton. Et on essayait d'alerter nos parents, donc justement, des dangers des déchets. Et donc, on parlait des temps de péremption pour le carton, pour les boîtes de conserve et pour le plastique. Donc, on était en 70. Donc, cette professeure de français, au niveau, par exemple, des déchets nucléaires, nous parlait déjà des déchets de la Hague et des déchets déjà qu'on jetait en mer. Elle nous parlait, donc nous, enfants, on posait la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Les textes existaient. Il y avait déjà des études, etc. Par exemple, on posait enfants la question, par exemple, pour les cheminées d'usine. Les textes existaient, mais pas appliqués. Donc, si je fais le tour par rapport à maintenant, eh ben, c'est la fuite. On a fait une fuite en avant. Et il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et en 70, quand on parlait aux adultes, je me souviens d'un paysan à qui on disait « Mais si vous continuez comme ça à polluer, bientôt il n'y aura plus d'oiseaux. » « Ah ben, s'il n'y a plus d'oiseaux, on en fabriquera. » On est toujours en 70. Et beaucoup, à l'époque, les gens, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on n'arrête pas le progrès. Et donc, on s'aperçoit à l'heure actuelle que le monde du capital est parti comme un fou, dans le mur. Donc, moi, je pense qu'en fin de compte, on est allé beaucoup trop loin. On s'est trompé. Et on voit que toutes les institutions qui étaient censées nous protéger, elles se lézardent parce que ça ne sert à rien. Donc, dans un sens, pour moi, on s'est trompé. Personne ne veut reconnaître qu'on s'est trompé. Et donc, c'est à nous maintenant de nous dire, mais comment on va faire pour refaire un monde nouveau? Voilà. Et je suis assez confiant aussi. Moi, j'ai fait comme Sylvie et Mélanie. Quand j'ai vu le thème, je me suis dit, mais mon corps, comment je gère mes déchets mentaux? Comment je déchire mes déchets émotionnels et mes déchets physiques? Et en fin de compte, depuis ce temps-là, moi, je fais que ça, en fin de compte. C'est depuis 50 ans, je me suis dit, en fin de compte, ce monde, s'il en est arrivé là, c'est qu'on ne gère pas nos déchets personnels. Il y a certainement, effectivement, à gratter là-dessus. Voilà. Pour terminer, moi, j'ai une immense confiance que notre planète Terre a la capacité de transformer tout ce qu'on a fait. Oui. Non, mais Jean-Luc, peut-être, non? Jean-Luc. Voilà, Jean-Luc. J'ai deux points. J'avais oublié tout à l'heure à propos des déchets nucléaires. Il faut bien avoir en tête aussi les millions de tonnes de déchets nucléaires qui proviennent de l'extraction d'uranium. C'était juste un rappel que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Les déchets, le monde dans lequel on vit, donc qui est un monde issu de l'utilisation du pétrole, on vient de faire un saut gigantesque depuis une cinquantaine d'années, je trouve, des années 70, mais ça avait démarré avant. Donc, avec le plastique et puis autre chose. Donc, mais tout ce qui provient de l'industrie pétrolière, et on fait les engrais avec du pétrole, on fait les pesticides avec le pétrole, on fait les médicaments avec le pétrole. Et là-dedans, En fait, moi, ce que je vous parle d'un livre que je lis en ce moment, donc Le Grand Désordre Hormonal, de Corinne Lalot. C'est une journaliste. Et dedans, elle parle assez rapidement des perturbateurs endocriniens. Donc, perturbateurs endocriniens, moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas biologiste, j'ai du mal à comprendre. Par contre, quand on remplace le mot endocrinien par hormonal, ça fait un petit peu différent. Donc, on ne parle pas de perturbateurs endocriniens, il faut parler de perturbateurs hormonaux. C'est vachement important pour le citoyen lambda que je suis. Eh bien, j'en viens à ce que j'ai parlé tout à l'heure de la cuillère de sel, de ce qu'on veut, dans ma piscine de 100 mètres par 100 mètres par 100 mètres, nanoparticules. Il faut imaginer qu'une nanoparticule issue de la pétrochimie, elle a des impacts sur notre santé et sur nos hormones. Et ça, c'est irréversible. C'est pas comme le burn. Donc, et là, on est entouré d'une quantité astronomique donc de produits pétrochimiques. Depuis 50 ou 100 ans, on invente des molécules. On invente des molécules qui n'existent pas à l'état naturel. Il y en a, je crois, c'est 150 000, enfin un chiffre incalculable de molécules qu'on crée, dont on ne connaît pas les répercussions sur l'organisme et sur notre système hormonal ou endocrinien. Marie-Michel m'a toujours expliqué, m'a tout le temps dit, mais le corps humain, c'est un système qui est hyper bien organisé, hyper bien. Et quand on livre le bouquin là, de Corinne Lalot, là, Le Grand Désordre Hormonal, c'est franchement impressionnant, quoi. Une nanoparticule, donc je vous ai dit ce que c'était, mais ça a des impacts là-dedans. Donc, on est en train, donc moi je veux bien être optimiste quand Sylvie dit qu'effectivement la pollution elle existait, il y a eu des catastrophes humanitaires dans des villes. Ok, mais tout ça, ça arrivait à la mer. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, la mer, elle arrivait à digérer. Aujourd'hui, on a un océan de plastique, la mer, elle ne sait pas digérer. Et tout ce qu'on balance à cette heure-ci, on ne sait pas digérer. Donc tout ce qu'on balance depuis 50 ans, la nature, elle n'en peut plus. Et donc, la nature, c'est la mer, c'est tout ce qu'on dit, puis c'est nos propres organismes. Et nos organismes, à cette heure-ci, eh ben, ils sont déréglés. Ils sont déréglés. Donc, dans nos systèmes, et donc dans notre production, quand on parle donc de la reproduction, les spermatozoïdes, il y en a de moins en moins, ils sont de moins en moins de bonne qualité. Dans le corps des femmes, c'est exactement les mêmes perturbations. Donc moi, je veux bien être optimiste et tout ce que vous voulez, mais franchement, moi, je demande qu'une chose, c'est que le système, à cette heure-ci, explose et qu'il s'arrête, parce que de toute façon, je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire notre petit colibri, je veux bien, mais quand on nous balance des pesticides à travers la figure, je suis d'accord qu'il faut travailler sur soi. C'est... Gardons l'espérance, mais... qui se casse la gueule. Voilà, moi je m'arrête là parce que... Non, merci beaucoup Jean-Guy. Moi je partage tout à fait cette espérance que ça s'arrête, quoi. C'est le cas de dire que... Ouais, ben, on verra, on assumera, mais ce sera plus sympa, je pense. Sylvie. Bon, bah, c'est difficile de parler après Jean-Luc. Merci en tout cas Catherine pour cette manifestation, on va dire, super. Voilà, ça fait plaisir d'être là. C'est gentil, merci. C'est important de donner la parole à tout le monde. Ouais, moi j'ai un peu du mal avec la prise de parole, mais j'avais essayé. Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ce monde, c'est vrai, notamment les déchets et l'énergie. J'ai toujours dit que j'aimerais bien... voilà, si je ne travaille pas dans les déchets, ce sera dans l'énergie ou réciproquement. Et donc le nucléaire, je trouve que c'est vraiment aux confins de ces deux problématiques, l'énergie et les déchets. Et voilà, moi je serai intransigeante, il faut arrêter le nucléaire de suite. Comment on fera? C'est voilà. Pas grave, on arrête. C'est Pierre qui nous avait dit la dernière fois quelque chose d'hyper intéressant. En fait, quand il y a eu Fukushima, les Japonais ont arrêté toutes leurs centrales nucléaires et ils se sont très bien débrouillés sans. Voilà. Oui, voilà, donc il n'y a pas d'alternative. L'arrêt du nucléaire, c'est de suite. Bon, juste entre parenthèses, dans les présidentielles, oui, bon, enfin, faites votre choix. Y a, bon. Non, j'efface ce que j'ai dit. Touche, retour en arrière. Oui. À part ça, donc le photovoltaïque, eh ben, y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais le photovoltaïque, ça pollue, qu'est-ce qu'on ne sait pas quoi faire des panneaux ?» Moi, l'information que j'ai, c'est que les panneaux, ils sont quasiment recyclables à 100%. Enfin, ça fait un moment que je suis un peu plus loin, éloignée du sujet, donc je n'ai pas des informations à jour, peut-être, mais les panneaux photovoltaïques sont recyclables, oui. Donc, arrêtons de casser toutes les autres solutions que l'on essaie de mettre en place. Il n'y a pas une bonne solution, mais... voilà, bon. Il y en a plusieurs, peut-être. Il y en a plusieurs. Hein. C'est un mix énergétique, on en parle tout le temps. Et voilà, au niveau des déchets de nous-mêmes, des déchets ménagers, je ne comprends toujours pas comment une grande poubelle comme ça que j'ai à la maison, sur des roulettes, et on passe la récupérer, la ramasser deux fois par semaine, mais alors que moi j'ai un petit sachet comme ça que je produis pour 15 jours. Enfin, les déchets ultimes, ils sont très, très infimes. Donc, je ne comprends pas comment... Enfin, je ne suis pas élue, je ne comprends pas pourquoi ça ne change pas. On va passer la parole à Pierre. Est-ce que le fil, on va réussir à faire passer jusqu'à Pierre? De toute façon, il ne faut pas le mettre trop près de votre bouche parce que sinon, ça explose. Oui, alors, Catherine, c'était une soirée sur les déchets. Mais... moi, je voulais dire, il y a des déchets. On a passé la soirée à parler des déchets, des mauvais déchets, déchets toxiques, déchets chimiques, radioactifs. Mais il y a des bons déchets. Moi, je voudrais parler des bons déchets. Alors, pour moi, il y en a deux. Il y a les déchets qui ont été produits avant l'ère de l'Anthropocène, donc avant l'ère du pétrole. Donc ça, c'est effectivement les décharges qu'on retrouve d'avant. Ce sont, pour moi qui fais de l'archéologie, des informations extrêmement importantes qui ne représentent aucun risque de les découvrir et de regarder ce que les gens jetaient autrefois. Voilà, donc pour moi, les décharges d'autrefois sont merveilleuses. Et les bons déchets d'aujourd'hui aussi, c'est les déchets verts. C'est-à-dire les épluchures, les trognons, enfin, tout ce qui est organique et compostable et qui va nourrir mon jardin. Voilà, donc, comment ? L'or jaune. Oui, et l'or jaune aussi, oui, bien sûr. Donc, en fait, tous ces déchets organiques, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. On devrait vraiment faire des formations là-dessus. Enfin, dans les écoles, il y a souvent des composteurs, etc. Mais donc voilà, c'est des déchets qu'il faut mettre en valeur pour son propre jardin. Voilà. C'est une bonne chose. Je te laisse passer. Merci beaucoup, Pierre. Je te laisse passer à Bernard. Ou bien à Segundino. Parfait, voilà. C'est bien. Oh, pardon. Moi, ça va être assez succinct, ce que je vais dire. L'effet de tout ce que j'ai entendu ce soir... peut paraître négatif par rapport à ce que je vais dire, mais c'est plutôt positif, parce que ça crée un espèce de choc de psychose, si on veut. C'est l'équivalent d'avoir un flingue, de se le mettre sur la tempe et de flipper et de tirer. C'est être confronté à la mort, quelque part. Et pour moi, c'est un effet positif, si ça a cet effet sur les gens qui entendent des discours comme ça sur ce que devient la planète aujourd'hui. Moi, je pense que c'est important de le savoir. Bien sûr, mais c'est important de voir s'ils le ressentent. S'ils le ressentent, ça leur fera peur et ça les fera réagir. Bah oui, et puis c'est important d'en parler, parce qu'on dit qu'il ne dit rien qu'on sent. Or, moi, à mon avis, peut-être que c'est des sujets qui gênent, mais moi, je pense que... Alors, c'est quand ça gêne qu'il faut commencer à en parler, alors. Oui, bah oui. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Segundino. Eh bien, on va laisser le micro maintenant. Soit, ah, voilà, Bernard, c'est René-Lise qui va, non, qui va conclure. Bernard, dis quelque chose et René-Lise va conclure. Ça marche. Je voudrais causer à mon camarade Jean-Luc pour les, ce que pourrait être un perturbateur endocrinien. Mais j'y viens autrement. Oui. Y a l'historique qui est intéressant sur... ce soir, on mélange un peu déchets et empoisonnement. En réalité, on a parlé du paléolithique. Moi, je voudrais parler du néolithique parce que c'est la première fois qu'on sédentarise, hein, et qu'on va laisser des gens sur place avec des populations qui vont se développer. Au Moyen-Âge en France, les nappes phréatiques sont polluées de façon bactérienne par les fientes d'animaux qui sont énormes. Et ça va être le développement de la vigne. Et toute la population va boire de l'eau coupée de vin. Et les enfants aussi. Autrement, on meurt. Voilà. D'accord, c'est intéressant. Alors après, effectivement, d'accord avec Pierre sur l'anthropocène, qui est plutôt sur le réchauffement climatique. Pour moi, le point de transition clé, c'est la chimie du pétrole, mais que j'appelle jamais chimie du pétrole, parce que c'est presque rassurant pour beaucoup de gens. C'est la chimie organique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les produits qu'on développe aujourd'hui à partir de cette chimie organique du pétrole, effectivement, c'est des chaînes de vivants. Hein, qui se sont transformés en pétrole, etc. Et quand on va les recycler, fabriquer des choses, c'est du vivant qu'on ingère dans notre organisme et qui va se mélanger avec nos chaînes biologiques. Hein. C'est pour ça qu'il perturbe la production endocrinienne. Mais c'est les hormones. C'est la conséquence. C'est la conséquence. On ingère des chaînes d'ADN, d'ARN, etc., qui vont perturber le métabolisme cellulaire. Et en premier lieu, ce qui est le plus sensible, c'est ce qui travaille le plus, c'est la production hormonale. D'accord ? Et c'est pour ça que tous les sujets de thyroïde, de diabète, etc., voire de cancer du sein, etc., sont en partie liés à ça. Donc voilà, pour moi, la grande transition, c'est ça. C'est la chimie organique qui empoisonne, parce que c'est toute notre agriculture qui a été transformée avec ça, plus avec le sujet du désarmement et du recyclage des armes de guerre dans l'agriculture. Hein. Et aujourd'hui, on voit bien que les déchets majeurs, ils sont liés au plastique, qui sont issus de cette chimie organique-là. Voilà, donc c'est des déchets du XXe siècle et il faut les arrêter au plus vite possible. Merci pour un point de vue médical en plus. Oui, bah oui. 30 euros. Tu es quand même médecin quand même. Qu'est-ce que tu as dit? 30 euros. Ah oui, d'accord, 30 euros. René-Lise, donc deux visu médecins, donc on y va. Oui, moi je veux pas reprendre plein de choses qui ont été dites là. Je reprendrai quand même le mot capitalocène. Parce que pour moi, le capitalocène, c'est majeur. C'est ce qui... Là, pas ça marche près, là. Pas trop près. Le capitalocène, c'est ce qui, aujourd'hui, produit des déchets en quantité. Et on a vu, c'est pas des petits déchets gentils. Hein. C'est le plastique, c'est des déchets nucléaires. C'est des trucs qu'on va laisser à nos enfants. Ils produisent des déchets après et en continuant à piller nos ressources. Je veux dire, on pille nos ressources pour produire des trucs complètement inutiles, qui produisent des déchets toxiques avec lesquels ils continuent à faire du business. C'est zéro déchet, mais pour eux, le zéro déchet, c'est des 0,0000, c'est des milliards de profits avec des déchets qui sont en quantité, qui sont produits en quantité toujours plus importante. Alors que on est tous là individuellement à se dire on va produire zéro déchet, on va essayer d'être raisonnable, mais on n'y arrivera jamais, on est bien gentil. Mais je veux dire que ce n'est pas nous qui allons changer les choses. Et le problème, il est par rapport à un choix de société, à un système économique qui est mortifère. Et aujourd'hui, il y a une urgence, ce système mortifère qui produit, qui pille nos ressources, qui produit des déchets, au final, et qui fait de l'économie circulaire, du profit circulaire avec tout ça. Je veux dire, ce système-là, il faut rompre avec lui, parce qu'autrement, on va en crever, quoi. On va en crever. Donc, vous voulez pas qu'on parle d'élections, on va pas en parler, mais il faut quand même pas il faut quand même pas avoir d'œillères, je veux dire. Le moment, il est venu là de faire des choix de société. Et l'urgence, elle est là. Hein. Donc, ou on enlève nos œillères, on décide d'utiliser notre bulletin de vote, et chacun a qu'à bien réfléchir au vote qu'il peut mettre dans la boîte. Hein. Mais je veux dire, ou on fait ça, et on a peut-être une chance de pouvoir c'est un long débat. Voilà, changer un certain nombre de choses. On consacrera peut-être une soirée à ce genre de débat. Je pense qu'effectivement... Où on continue avoir simplement de l'espoir, non. Très naïvement. Non, mais je pense que c'est un sujet qui méritera quand même qu'on prenne plus de temps. On trouvera l'occasion, une fois, de trouver un sujet à ce sujet. Voilà. J'aimerais juste ajouter à ce qu'a dit René-Lise. Le capitalisme envisage de foutre la vérole au cosmos. On envisage d'exploiter la Lune. Alors ça, c'est pas mal, d'aller extraire des minéraux sur la Lune. Alors voilà. Donc, il faudrait qu'on ait dans un tournant de la civilisation du siècle peut-être décisif. Je pense qu'on t'avait un peu coupé la parole, Fabienne. Veux-tu rajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Non, aucun déchet de plus pour cette soirée. J'aime l'humour de Fabienne. Je savais qu'il fallait que je lui fasse faire un petit mot pour la finale. Voilà. Donc, voilà. Bah, je vous remercie tous infiniment. Et puis, on va passer aux choses sérieuses. Merci à toi. Soupe. À la soupe. Voilà, bravo. À bientôt, chères auditrices et auditeurs. En remerciant Auriel pour cette magnifique musique, nous vous disons à bientôt.